Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une pathologie très fréquente en pneumologie, en pédiatrie, qui peut toucher deux parties extrêmes de la vie, mais très fréquente. Alors, on peut l'avoir dans la situation d'urgence, on peut l'avoir dans la prise en charge, en pratique de tous les jours en consultation. Il s'agit bien sûr de l'asthme. Il est question de vous parler de la prise en charge au long cours de l'asthme de l'adulte. Donc, que sait-on déjà sur l'asthme? Alors, on sait déjà que c'est une maladie très fréquente de par le monde et que l'Algérie, donc, se situe à peu près dans les pays à faible, assez faible prévalence, avec une prévalence qui est comprise entre 2,5 et 5% de la population. On sait aussi que, d'après l'OMS, que l'asthme touche près de 300 millions de personnes de par le monde et qu'il est, après la rhinite, la deuxième affection respiratoire chronique. Occupe la deuxième place. Une étude a été faite dans mon Maghreb, l'étude ERMAG, qui s'est intéressée à évaluer la prévalence de l'asthme dans les trois pays du Maghreb, et situe celle de l'Algérie, elle est aux alentours de 3,1%, proche de celle de la Tunisie et du Maroc. Qu'est-ce qu'on sait aussi? On sait que c'est une maladie mortelle, parce que le nombre de décès est toujours important, surtout chez les patients jeunes. On n'a pas de chiffre, concernant l'Algérie, mais la mortalité est estimée par l'Anteterina, elle est de l'ordre de 3,3% de décès par an dans les causes respiratoires. Alors, il y a beaucoup de progrès à faire. Les niveaux de contrôle, par rapport aux accès, à l'accès aux drogues, l'Algérie, on estime avoir un bon accès avec 81,93% des patients ont accès aux drogues, au traitement de l'asthme. Et par rapport au niveau de contrôle, le niveau de contrôle reste bas, et toujours selon l'étude ERMAC, ce niveau de contrôle est de l'ordre de 24,1%. Donc, soit un tiers traitement des patients traités, présent un niveau de contrôle acceptable. La même chose pour le GINA, qui retrouve 61% des patients traités insuffisamment contrôlés. Qu'est-ce qu'on sait aussi sur le palliatif qui coûte énormément, le coût est très très important, surtout en cas de non-contrôle. Chez les patients qui ne sont pas contrôlés sous traitement et après qui n'ont pas de contrôle. Il y a beaucoup de choses à faire, ce qui rend l'asthme un problème mondial de santé publique, parce que c'est une maladie respiratoire chronique très considérable, je viens de le dire, parce que c'est la première cause de consultation pour affection respiratoire chronique. Sa prévalence change d'une région à une autre, d'une pays à une autre. La mortalité respiratoire et cette mortalité serait plus importante chez les sujets jeunes. Elle serait liée à deux facteurs importants, à l'absence de traitement du fond de faible prévalence, ou bien à la mauvaise gestion de la crise et un recours tardif aux structures de France. Elle entraîne un impact socio-économique important en absentéisme, en consultation élevée, en recours fréquent aux urgences et en absentéisme scolaire, parce qu'elle touche le tranche d'âge. La priorité, elle a été proclamée priorité de santé publique en Algérie, et plusieurs consensus sont le dernier que vous pouvez trouver en ligne, en avant sur le site de la Société algérienne de pneumologie. Elle est souvent méconnue et sous-diagnostiquée, et bien sûr, par conséquent, sous-traitée, et son coût augmente surtout avec les mauvaises pratiques. Il est intérêt de suivre les recommandations et d'avoir une bonne méthode pour prise en charge de la santé. Alors, on va commencer par la définition. Selon le GINA, la définition est très importante parce que tous les éléments du diagnostic, vous allez les retrouver dans la définition. Tout commence par cette définition. Alors, l'asthme est défini selon le GINA comme une infection inflammatoire chronique. Alors, inflammatoire est une notion assez récente parce qu'avant, on considérait l'asthme comme une succession de bronchospasmes entraînant des symptômes. Et le traitement à cette époque-là ne reposait que sur un traitement bronchodilatateur. Donner un bronchodilatateur pour lever le bronchospasme et traiter les symptômes. On s'est rendu compte par la suite qu'il n'y avait pas que les symptômes de bronchospasme, il y avait entre les symptômes de l'inflammation. Et c'est maintenant l'inflammation est la cible importante du traitement de fond au long cours par la suite. Donc c'est une inflammation chronique des voies aériennes, dans laquelle interviennent dans nos cellules, et là en particulier les macrocytes, les éosinophiles et les lymphocytes. Alors, Ça vous gêne. Donc ça c'est mieux ? Oui. Donc le diagnostic fonctionnel sera fait par la mise en œuvre de l'apparence d'outils. Il y aura des caractéristiques propres à l'asthme parce qu'il peut être pour dans d'autres maladies auditives. Dans l'asthme, il sera partiellement diagnostiqué spontanément sous traitement. L'inflammation est associée à une hyperréactivité bronchique. Alors, l'hyperréactivité bronchique est une caractéristique constitutionnelle de la muqueuse. Réaction exagérée, donc à différents stimulus chimiques, physiques ou différents d'eux, par rapport au sujet sain. Et c'est un contexte à explorer, c'est-à-dire qu'on ne doit pas la rechercher pour poser des diagnostics pratiques, on ne doit pas la rechercher de façon systématique, on doit la rechercher dans certaines situations particulières. En dernier, on dira que quand il y a de l'inflammation, il y a une inflammation dite, c'est-à-dire un stade avancé et fibrose, dans l'asthme aussi, on peut avoir de la fibrose, c'est ce qu'on appelle le remodelage bronchique, qui peut s'observer dans certains cas d'asthme pays. Le matin, vous prenez le soir, vous n'avez pas trouvé le même chiffre. on a une variabilité qui est inférieure à 20% et la variabilité chez la SMAD est plus importante, elle est supérieure à 20% dans la journée. Deuxième trouble, c'est seulement votre outil branché que vous allez sur rechercher à la spirométrie et qui est défini par un indice de type non inférieur à 70%, donc, et qui aura bien sûr des caractéristiques qu'on verra par la suite. Alors, la variation de la fonction respiratoire chez le sujet asthmatique, on vient de le dire, est plus importante chez le sujet ça, ceci est lié à la réactivité. Elle se manifeste par trois fois son angina. D'abord, le VMS, donc, la notion de réversibilité, c'est-à-dire après d'avoir mis en évidence un coup de ventilateur obstructif, c'est-à-dire un type de 70%, on peut, donc, juste après, faire vérifier la réversibilité, parce que c'est la caractéristique essentielle du TVO chez l'asthmatique. En administrant un bronchodilatateur de courte durée d'action, on remarquera qu'il y a un gain en pourcentage de 12% et en valeur absolue du 212 du VMS par rapport à la valeur initiale. C'est ça ce qu'on appelle le test de réversibilité. Deuxième point, la variabilité quotidienne moyenne du DP dans la journée chez l'asthmatique est supérieure à 10%. Je vais le dire. La variabilité circadienne entre le soir et la nuit est supérieure à 20%. Et le VMS, un deuxième test de réversibilité qu'on peut rechercher, c'est que c'est un gain du VMS en valeur absolue de 12% en valeur absolue de 200 millilitres par rapport à la valeur initiale après 4 semaines dans le traitement anti-inflammatoire en dehors de toute infection. déterminer des symptômes dans l'asthme. Donc, asthme de l'obèse, asthme chez la femme enceinte, c'est des asthmes particuliers, c'est des facteurs d'aggravation. C'est pour ça qu'on s'intéresse à ces entités de façon particulière, on les appelle phénotypes. Donc, avoir déjà été intubé ou pris en charge en réanimation en France, avoir fait une crise sévère de plus ou moins, c'est une crise dernièrement. C'est un facteur que vous devez rechercher à chaque fois. Donc, l'objectif est défini. En quoi consiste la prise en charge? En premier, elle consiste à reconnaître la maladie, à poser un diagnostic, c'est normal. Alors, quand on pose le diagnostic, on peut le suspecter devant des crises dyspnéiques, pancystiques, cyclones. Alors, vous savez, si vous voyez le patient au moment de la crise, c'est très simple, le diagnostic est très clair. Mais il reste suspecté. Parce qu'on verra après les éléments qui déterminent le diagnostic positif. Manifestation clinique atypique possible, en particulier la toux. Dans certaines situations, on n'avait retrouvé que la toux isolée. Elle fait partie des symptômes de l'asthme. Évoquer, donc la suspicion, ces symptômes doivent être évoqués par l'interrogatoire, surtout en posant des questions clés. Le diagnostic est confirmé devant la chronicité, la variabilité, la réversibilité de ces symptômes, associés à un trouble ventilatoire obstructif, le TBO, on s'acharnera à mettre en évidence pour le cas durant la prise en charge. Éventuellement, dans certains cas, on sera amené à faire des mesures, à mettre en évidence l'hyperréactivité par des mesures. Lié au test de bronchocontricité et toujours suivi d'un test de réversibilité pour dire que c'est un TBO réversible et c'est en faveur de l'asthme. Dans certains cas, le diagnostic reste difficile, c'est dans les cas limites. Par exemple, essentiellement, le diagnostic est posé, le diagnostic différentiel posé entre asthme et déficit. On est à peu près plus proche, surtout si vous avez un sujet âgé de plus de 45 ans, en cas de présence de tabagisme, on peut avoir dans certaines situations coexistence des deux facteurs, généralement, c'est le médecin spécialiste. Donc là, ça peut apparaître, disparaître, s'aggraver ou s'améliorer pendant plusieurs années, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est cette variabilité qui le rend ici justement la prise en charge. Et cette variabilité à long terme est particulièrement caractéristique de la maladie. Là, ça peut se présenter sous de nombreuses formes de maladies hétérogènes, c'est pour ça qu'on parle maintenant de phénotypes, de tableaux, de sous-groupes, de phénotypes de l'asthme. L'asthme est défini principalement par deux caractéristiques. Donc, pour le diagnostic, les antécédents de symptômes cliniques, avec les deux caractéristiques qu'on vient de dire, et une limitation du débit expiratoire, vous allez voir en évidence par rapport à ça. Alors, quelles sont les questions clés qu'on doit poser quand on suspecte un asthme? Alors, on doit rechercher des épisodes récidivants de sifflement, de toux gênante, de la nuit au réveil et les traces de progression et de dyspnée, bien sûr. Réveil pour toux, difficulté respiratoire, toux ou des sifflements après une activité physique, problème respiratoire pendant certaines saisons, comme les asthmes allergiques. Tout simplement dyspnée après exposition à des allergènes ou des éruptions, vous devez d'ailleurs identifier. Donc, des rhumes qui vont donner ces symptômes et les symptômes qui disparaissent parfois après la prise d'un médicament, il faudra identifier le médicament. Parce que vous savez que parfois on a affaire à des familles d'asthmatiques et quand par exemple le fils présente des symptômes, il va utiliser les médicaments de son frère ou de son père. S'il est soulagé par ce traitement, ça va être un élément en faveur de la maladie que vous devez rechercher bien sûr. Alors, les autres éléments à rechercher à l'interrogatoire, c'est des tournages du début, la fréquence et la sévérité des symptômes, le retentissement sur l'activité, l'évolution de la maladie, le recours aux urgences, etc. Rechercher un reflux gastro-œsophagien qui est un facteur aggravant, problématique, une dermite atopique, une rhinite en faveur de l'asthme allergique, une intolérance aux anti-inflammatoires non-stéroïdiens et aux prises de débarquement, les antécédents familiaux respiratoires et allergiques, et bien sûr, bien des et chercher les facteurs de l'environnement, liés à l'environnement, l'existence d'un tabagisme actif ou passif, donc le type d'habitat, l'existence d'un habitat insalubre, donc le chien est dans l'ouvrage, etc. On va le voir dans le détail, et bien sûr, on travaille aussi. Donc voici les différents facteurs environnementaux que vous allez chercher. Donc pour l'extérieur, la pollution extérieure, c'est surtout la pollution d'été et liée à l'ozone, la pollution d'hiver au smog, il y a beaucoup de l'IA, fréquence et les pollens, la pollution automobile NO2, c'est l'eau et les particules. À l'intérieur, c'est surtout le NO2 et le CO, et l'existence de groupes allergènes comme les acariens, les blattes, les animaux domestiques et les moisissures. Et certains viroses en cas de l'infection. Donc, sur le plan professionnel, vous avez plusieurs, c'est ce qu'on appelle l'asthme professionnel, plusieurs professions qui sont exposées à de l'asthme, comme des boulangers, des coiffeurs, des expositions aux isocyanates, à beaucoup de substances organiques, végétatives, végétales par exemple. Vous devez rechercher aussi donc, le facteur lié à l'exercice, qu'on appelle l'asthme de poids, rhinite et rhinosinusite, polypose, si on a une association, donc une polypose nasale d'un asthme. d'asthme sévère et d'une intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, on peut suspecter ce qu'on appelle la maladie de Vidal. La triade, la maladie de Vidal, on peut avoir trois éléments. Le reflux gastro-œsophagien, le problème hormonal en particulier chez la femme. Alors le problème hormonal, les perturbations hormonales chez la femme peuvent aggraver comme elles peuvent améliorer l'asthme. Donc vous devez tenir compte des différentes aggravations ou améliorations des cours des perturbations hormonales. Donc la ménopause, la puberté, etc. Et l'asthme chez la femme enceinte est une entité particulière